السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous continuons avec notre livre Kitab al-Fiqh al-Muyassar, qui a été compilé par plusieurs docteurs de l'université de Médine. Et notre thème, c'est sur Ahkam al-Janaiz, Salat al-Janaza. Nous sommes arrivés au chapitre 7, ou au sujet numéro 7, le fait de porter le cortège funèbre donc jusqu'à la tombe. Le fait, bien sûr, de porter le cortège funèbre. يسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم من شاهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شاهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين الحديث إلى رابورتي par البخاري المسلم et on l'a vu auparavant. Donc il dit, donc c'est une sunna de porter donc ce défunt, et bien sûr de l'emmener jusque la tombe. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, celui qui assiste donc à la janaza, on comprend par la janaza donc à partir de la prière, donc on comprend le fait de prier sur lui, jusqu'à ce qu'on l'ait pris sur lui, il aura comme récompense. Et celui qui assiste jusqu'à ce que le mort soit enterré, il aura comme récompense deux qirat. Et on le questionna, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que deux qirat? Il répondit, alayhi wa sallam, c'est l'équivalent à deux énormes montagnes. N'entends pas? C'est l'équivalent, là. Donc c'est l'équivalent à deux énormes montagnes. Wa yanbaghi lil muslimi idha 'alima bi wafati ahadin min al muslimin an yakhruj li hamli janazatihi wa sad 'alayhi wa dafnihi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam haqq al muslimi 'ala al muslimi khamsun radd al salam wa 'iyadat al marid wa ittiba' al janaiz. Il est rapporté aussi par l'imam al-Bukhari. Donc il est recommandé pour tout musulman que lorsqu'il prend connaissance que l'un des musulmans est mort, d'aller, donc, c'est-à-dire porter ce cortège funèbre, de prier dessus et de l'enterrer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le droit du musulman envers le musulman, donc, est au nombre de cinq, c'est-à-dire il y a cinq droits du musulman envers les musulmans. Le fait de répondre au salut, visiter le malade et suivre le cortège funèbre. On peut retrouver chez certains savants que ce haq, c'est un haq qui est wajib, qui est obligatoire. On peut retrouver chez certains savants que le mot haq, pour eux, c'est wajib, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est obligatoire. Même si en vérité, on avait auparavant que c'est fard kifa'i, en vérité. Donc cela, bien sûr, va être appuyé si personne ne sort pour suivre le cortège funèbre. Voilà, ça. Et il est permis, il n'y a pas de mal donc de porter ce cortège non, c'est dans une voiture, donc il y a une voiture spécialisée actuellement, ou sur une monture. Voilà, surtout si le cimetière est loin, et que celui qui va suivre ce cortège porte donc ce mort, ce défunt. Et il est légiféré d'enterrer ce mort dans un cimetière, dans un endroit où l'on enterre les morts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrait donc le mort dans le cimetière qui s'appelle Al-Baqi', celui qui est à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle Al-Baqi' ou bien Al-Baqi' Al-Arqad. Il y a bien sûr énormément de preuves à ce sujet. Il y a énormément d'annonces à ce sujet. Et on ne connaît pas. Donc il n'y a aucun texte, aucune trace des pieux prédécesseurs qui vont montrer qu'une personne a été enterrée dans un autre endroit que dans le cimetière. وَيُصَنُّ الْإِسْرَاءِ بِالْجَنَازَ. Et il est aussi recommandé, donc c'est une sunna, de s'empresser lorsqu'on enterre quelqu'un. Fi ghasliha. Dans le fait de le laver le mort. وَتَكْفِينِهَا. Le fait de l'habiller, de ce linceul. وَصَّلَتْ عَلَيْهَا. Et de prier sur ce mort. وَدَفْنِهَا. Et de l'enterrer. Donc tout cela, bien sûr, est demandé que tout cela soit fait de façon rapide. لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَاسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ. Hadith rapporté par Tabarani wa hassanahu Ibn Hajar. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à cela, lorsque l'un d'entre vous meurt, met à mourir, donc lorsque l'un des musulmans meurt, ne l'arrêtez pas, ou bien ne le stoppez pas, ne le freinez pas, mais empressez-vous de l'enterrer, empressez-vous de le ramener, c'est-à-dire dans sa tombe. Empressez-vous de le ramener dans sa tombe. Spécialement, bien sûr, le croyant, donc il est pressé d'entrer directement dans sa tombe. وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْدَ النَّاسِ مِنْ تَأْخِيرِهَا وَنَقْلِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرٍ وَإِخْتِيَالٍ يَوْمٍ مِنْ الْأُسْبُوعِ تُدْفَنُ فِيهِ فَهَذَا كُلُّهُ خِلَافَ السُنَّةِ. Et comme le font certaines personnes, dans le fait de retarder cela et de le déplacer d'un endroit ou un autre, et de choisir un jour bien précis, le vendredi ou autre, pour l'enterrer, cela est contraire à la sunna. C'est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une différence entre le fait de mourir le jour du vendredi et le fait de vouloir l'enterrer le jour du vendredi. Il n'y a pas de liaison entre les deux. S'il n'est pas mort le vendredi, donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de l'enterrer ce jour-là. كَمَا يُسَنُّ الْإِسْرَاءِ فِي الْمَشِي بِهَا أَثْنَى حَمْلِهَا لِقَوْلِهِ sallallahu alayhi wa sallam أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُوا صَالِحًا فَخَيْرٌ تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابه. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam sur le fait qu'il faut s'empresser de marcher lorsqu'on porte donc ce cortège, et les gens ont sûrement vu cela à Médine, on voit bien que dès que l'imam, je donne l'exemple de Médine parce que c'est parmi les exemples les plus flagrants, lorsque l'imam a terminé, les gens s'empressent, prennent le mort. Et si tu ne cours pas presque, tu ne pourras pas suivre ce cortège. On voit que les gens vraiment s'empressent pour cela. Même s'il n'est pas demandé de courir, il est demandé après de marcher avec des pas vifs, avec des pas qui sont rapides. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, empressez-vous, c'est-à-dire lorsqu'il y a un cortège, car si le mort est pieux, donc c'est un bien pour lui, que vous, en fin de compte, c'est un bien, et vous allez lui faire profiter de ce bien, c'est-à-dire rapidement, donc vous allez devancer ce bien. Le fait de l'enterrer tout de suite, donc lui, il profitera tout de suite de ce bien. Donc c'est un bien pour lui. Et il est demandé après de s'empresser après pour tout bien, dans la vie d'ici-bas ou bien même par rapport à cela. Et si la personne n'est pas pieuse, donc, si c'est le contraire, ce n'est pas le cas, en ce moment-là, vous êtes débarrassé. Vous l'avez laissé lui et avec, bien sûr, ce qu'il va porter comme fardeau. Avec ce qu'il va porter comme fardeau. Walakin, la yakun isra'an shadidan. Donc il ne faut pas que ce soit un empressement très, très rapide, mais ça, on ne demande pas de courir. Ça ne veut pas dire cela. Bel, dun al khababi kama akhtarahu ba'd al ulama. Donc sans que ce soit, c'est-à-dire le fait de trottiner à peu près, le fait de marcher vite, en fait, ce qui compte, c'est d'arriver à marcher vite, comme bien sûr l'ont dit certains savants. Et c'est vrai, parce que si maintenant, dans la famille, il y aurait maintenant énormément de personnes âgées, spécialement ceux qui sont les plus proches, ils vont arriver, il sera peut-être déjà enterré, donc ils vont quand même rater quelque chose à la coulée. Donc on s'empresse sans que ce soit exagéré. وَعَلَى الْحَامِينَ لِلْجَنَازَ السَّكِينَ وَالْوَقَارِ. Et le demander pour ceux qui portent donc ce défunt d'être, donc bien sûr, d'aller en toute quiétude. Donc il faut que les gens soient en vérité en toute quiétude. وَعَدَمْ رَفَ السَّوْتِ. Et on ne va pas élever la voix. لَا بِقِرَاءَةٍ voilà birehriha, ni en récitant, ni en prononçant autre chose. Et annahu, la miyathul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, شَيْءٌ فِي ذَلِكَ car il n'y a aucune preuve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sujet. وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ خَالَفَ السُنَّةِ et celui qui va donc faire cela aura bien sûr été en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الْخُرُوجُ مَعَ الْجَنَازَةِ il est interdit aux femmes de suivre donc ce cortège funèbre. Les hadiths de Atiyah نُهِينَا عَنْ اِتِّبَعَ الْجَنَائِزِ le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'ordre, il est de Muslim. Donc il nous a été interdit de suivre les cortèges funèbres. فَحَمْلُ الْجَنَازَةِ وَتَشِعِهَا خَاسٌ بِالرِّجَالِ donc le fait de porter ce cortège, ce défunt, cette tombe, ou je veux dire ce linceul, et après le fait de porter et de s'enterrer et de faire aussi pour l'enterrer et l'accéder, tout cela est bien sûr spécifique aux hommes. C'est spécifique aux hommes. وَيَكْرَهُ الْمُشَيَّعِ الْجُلُوسِ حَتَّى تُوْدَعُ الْجَنَازَ عَلَى الْأَرْضِ donc il est détestable après de le poser, hein, de s'asseoir jusqu'à de le poser, hein, jusqu'à bien sûr que cette janaza sera posée après sur la terre. لِنَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنِ الْجُلُوسِ حَتَّى تُوْدَعُ et donc, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir ou de poser jusqu'à qu'il soit vraiment posé donc dans sa tombe. À ce moment il n'y aura pas d'arrêt. On fait cela d'un seul trait. Le hadith rapporté aussi par Al-Bukhari Muslim. Sujet numéro 8. دفن الميت وصفته القبر وما يسن فيه le fait d'enterrer donc le mort, comment sera la tombe, donc ça veut dire comment sera bâti ou bien comment sera creusée cette tombe, et ce qui est légiféré et ce qui est sunna, c'est à dire dans cette façon de faire. ويسن أن يعمق القبر أو أن يعمق القبر أن يعمق القبر donc c'est une sunna de quoi, donc de creuser, on va dire profondément, assez profondément, donc il faut que ce soit quand même un amir, donc assez profond. Wa ayyuwassa, et qu'il soit large. Wa ayyulhada lahu fi wa huwa an yahfira fi qa' al-qabri yani hufratan fi janibihi ila jihati al-qibla, donc c'est à dire que on dit que la tombe elle sera comme en forme de L, si on peut dire ça comme ça, donc ça sera pas juste, hein, le carré connu qu'on retrouve maintenant ici, il y aura sur le côté. Donc il y aura sur le côté un trou aussi, on appelle ça hein, donc le head, donc justement le fait de creuser sur le côté, et le mort il va entrer dans ce côté et on va le diriger vers la qibla. On va le diriger vers la qibla et après bien sûr on va donc mettre des pierres afin qu'il ne ressorte pas comme cela. Donc ça c'est par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça bishak, c'est permis, après de faire juste la tombe que comme ici, comme on retrouve ici les trous, donc le trou simple. Wa huwa an yahfira al-mayyit fi wasat al-qabr, le fait donc de creuser et de poser le mort au milieu de ce trou. Wa lakin al-lahd afdal, car lahd, le fait donc lahd qui veut dire en latin, donc c'est comme un mail, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui sera sur le côté, c'est meilleur. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-lahd lana wa ash-shaqq li ghaynina, et c'est hadith rapporté par Tirmidhi wa sahahu al-Albani rahmatullahi alayhi jami'an, donc lahd il est pour nous et le char est pour les autres. Mais là, on voit que ce n'est pas une interdiction, malgré cela. Mais simplement, ce n'est pas de, c'est-à-dire des habitudes ou des coutumes de l'islam. وَيُوْدَعُ الْمَيِّتِ فِي لَهْدِهِ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ donc le mort sera posé donc dans ce côté-là. Il sera sur son côté droit. مُسْتَقْبِلْ الْقِبْلَ face, faisant face à la qibla. وَتَسُدُّ فَتْحَةً الهدي باللبن باللبن والطين donc en ce moment là on va y poser des pierres, que ce soit en argile ou quoi, donc on va y poser des pierres afin que bien sûr le mort ne soit pas ressorti, il sera stoppé. Une fois que le mort vient dans ce L, si on peut appeler ça comme ça, hein, dans ce trou qui est comme ça, et puis si on le mettait du côté qu'on le mettait donc du côté droit face à la qibla, on mettra, une fois que le mort sera posé, on va y placer des pierres avant de recouvrir. Ça n'est avant de le recouvrir de terre. ثم يهال عليه التراب et puis après on y fera tomber de la terre, on y mettra la terre, on va placer la terre afin de recouvrir. ويرفع القبر عن الأرض قدر الشبرين مسنما et on va élever donc de la terre, donc la tombe sera élevée de la terre, c'est-à-dire de la longueur d'un lampon, donc une cinquantaine de centimètres, c'est ça un lampon à peu près, d'accord, c'est 49 cm chez certains, il a fait des 50, 51. C'est une cinquantaine de centimètres à peu près. Donc voilà la terre qui va dépasser de hein, ce qui va dépasser du sol, du niveau du sol. C'est ça qui va dépasser. On va pas faire dépasser plus que cela, on va faire dépasser cela. Et vous savez très bien que petit à petit, ça va s'affaisser. La terre, pour l'instant, elle est posée, elle n'est pas encore. Elle va s'affaisser d'elle-même. Elle va s'affaisser petit à petit, donc il y aura après cela, il y aura encore moins que cela. Hey, à la Hayati Sanam, c'est-à-dire, donc le, ça va être comme ça, ça va être comme une pyramide. Ça va être comme une pyramide, d'accord? Ça va être comme ça à peu près. Donc lorsque la terre va être, donc elle sera plus au niveau par rapport au milieu. Ça va être en pointe. Hein, ça va être comme ça va être en pointe. Il faut vous dire Zalika, fi sifati qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahibayhi. Ya'lama annahu qabri la fala yuhan. Donc car le prophète, car c'était comme ça pour la tombe du prophète ainsi que celle de ses deux compagnons. Il revenait à charge montée pour cela. Afin de savoir que c'est une tombe et de ne pas justement lui manquer de respect, de ne pas manquer de respect à cette tombe. Voilà, ça, Dwadril Ahjar, Aurelia, il a atrafihi, libayani hududihi, wa marifatihi. Et il est permis pour cela, donc il n'y a pas de mal, pas de grief pour cela, de d'y poser autour, hein, dans ses limites, quelques pierres, ou quelque chose qui va pouvoir faire connaître aux gens qu'il y a une tombe, afin de garder le respect de la tombe. Donc c'est un signe. ويحرم البناء على القبور وتشصيصها والجلوس عليها. Il était interdit donc bien sûr donc de construire sur ces tombes, hein, de construire, de bâtir sur ces tombes et de s'y asseoir. كما يكره الكتابة عليها. Comme il est détesté d'y écrire. ولا إلا بقدر الحاجة الإعلام. Sauf s'il y a donc un besoin pour que les gens sachent. Sauf s'il y a vraiment donc ce moment un besoin charri que les gens sachent. لحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر c'est-à-dire donc le fait c'est le fait d'y mettre مثلا, hein, donc le pour que ça reste le fait de le cimenter, hein, le fait de cimenter مثلا, cette tombe ou أي يقعد عليه le fait de s'asseoir donc sur cette tombe ou de construire sur cette tombe, c'est-à-dire le fait de bâtir. Et Tirmidhi a rajouté, rahmatullah alayhi, d'y écrire. Car cela va donc peut amener à l'associationnisme et le fait de s'accrocher justement aux tombes, le fait de justement de commencer à vouloir adorer les tombes. يغتروا به الجهال ويتعلقون به car les ignorants s'accrochent à cela. Donc car les ignorants justement en réalité vont s'accrocher facilement à cela par rapport à ça. ويحرم ايضا اسراج القبور اي اضاءتها. Donc il est interdit donc d'allumer ou bien donc d'illuminer, maintenant on s'arrangerait pour qu'il y ait des lampes, des lumières autour des tombes. À ce moment-là, c'est pas demandé d'éclairer les tombes par quelconque lumière ou quoi que ce soit. Lama fihi min tashabbuh bil kuffar wa ida'atul mal. Car dans cela, il y a une ressemblance aux non-musulmans ainsi que c'est du gaspillage. Wa bina'ul masajid 'alayha. Il est interdit aussi, bien sûr, de construire des mosquées dans les cimetières ou bien dans les endroits où il y a des tombes. Wa salat 'indaha aw ilayha. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens car ils ont pris les tombes de leurs envoyés comme mosquée, c'est-à-dire comme lieu de prière, parce que c'est dans la mosquée qu'on prie, comme lieu de prière. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit bien sûr cela avant sa mort de 5 jours وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وقتها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. Donc il est interdit de la manquer de respect dans le fait de marcher sur cette tombe ou le fait donc le fait de marcher de la piétiner avec ses chaussures ou le fait de s'y asseoir et autres. Les hadiths d'Abi Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجلس لا أن يجلس عفوا لا أن يجلس أحدكم على جمرتي فتحرق ثيابه أو فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أو إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam que l'un d'entre vous s'assoit sur des charbons, donc ardents, et qui vont donc brûler, qui vont cramer ses habits, hein, qui vont cramer ses habits et qui vont toucher sa peau, hein, qui donc ils vont arriver à toucher sa peau, ça c'est meilleur pour lui que le fait de s'asseoir sur une tombe. Donc si tu te fais brûler par ces charbons ardents, c'est moins grave que si tu t'assieds sur une tombe. Donc on voit qu'il y a un arrêt derrière, on voit qu'il y a une interdiction derrière, parce que là on retrouve une sorte de, on va dire, de châtiment, si on peut dire cela. وللنهي صلى الله عليه وسلم عن الوقت على القبور. Et aussi l'interdit صلى الله عليه وسلم, hein, justement donc de piétiner, de marcher après sur ses tombes, c'est-à-dire avec ses chaussures. ويستحب عند الفراغ من دفن الدعاء الدعاء للميت. Et il est recommandé lorsque on a enterré le mort et qu'on l'a recouvert, donc on l'a recouvert, ça y est, ce mort, c'est de faire dua pour lui, de faire dua pour ce mort. لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوه له التثبيت فإنه الآن يسأل. Et ça a été rapporté par Abu Daoud et il a été authentifié par Al-Hakim et aussi وافقه الذهبي وحسنه النووي رحمة الله عليهم جميعا. Donc il dit صلى الله عليه وسلم, une fois que ce mort a été posé, demandez pardon à votre frère et demandez qu'il soit raffermi dans la réponse des anges, bien sûr qu'il soit raffermi dans la réponse des anges, en pouvant, où il pourra dire justement la ilaha illallah, il pourra dire bien sûr la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Fa innahu al-an yus'al, car actuellement il est questionné, car actuellement il est questionné. Dès que les morts, c'est-à-dire les personnes vont se retourner, donc le mort entend les pas de ceux qui se retournent, de sa famille et de ses biens, va lui rester, bien sûr, lui viendra deux anges noirs et bleus. N'est-ce pas le cas? Wa amma qira'atul fatihati aw shay min al-Qur'ani 'inda al-qabr fa innahu bid'atun munkara. Et le fait de réciter la Fatiha, autre verset du Coran, auprès de la tombe, en ce moment-là, bien sûr, ça fait partie des innovations qui sont détestables, qui sont rejetées. لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Voilà sahabatihi al-kiram, ni ses nobles compagnons. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam man amal amilan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Muttafaqun alayhi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui commet un acte qui n'est pas donc de notre religion, de notre situation, de notre cas, mais c'est de notre religion, fahuwa radd, celui sera rejeté. C'est-à-dire mardoud ala sahibihi, rejeté sur lui. Sujet numéro 9, ta'ziya, hukmuha wa kayfiyatuha. Donc ta'ziya, les condoléances, c'est donc son statut et comment on fait les condoléances. Ta'ziya hiya tasliya ou bien tasliyat al-musab wa taqwiyatihi ou bien wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi ala tahammuli musibatihi. Fa تذكر له الأدعية والأفكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب. C'est-à-dire de venir voir le, donc celui qui a été touché par ce mort, donc la famille du défunt, hein, afin de le renforcer, afin de l'aider, hein, afin de le consoler, hein, dans ce qui lui arrive, dans, c'est-à-dire comme malheur. Et tu vas lui rappeler, hein, tu vas le rappeler par donc les invocations, hein, tout ce qui est donc les rappels, les invocations, hein, qui sont bien sûr mentionnés dans le fait de patienter. Tu vas lui rappeler les valeurs de la patience et ainsi le fait d'espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a bien sûr une énorme récompense pour ceux qui patientent. Et parmi les preuves de cela, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prend l'enfant de quelqu'un, donc un enfant en bas âge, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, donc vous avez pris le fils de mon serviteur. Les anges disent oui, oh Allah. Il dit après, par la suite, Azza wa Jal, vous avez pris le fruit de son cœur. Ils disent oui. Et après ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, et qu'est-ce qu'a répondu mon serviteur? Donc istarja. Donc il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa hamidak. Et il t'a loué. Il a proclamé ta louange. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Donc bâtissez-lui une demeure au paradis qui va s'appeler la demeure de la louange, Beitul Hamd. C'est une maison au paradis qui va s'appeler la maison de la louange pour ceux qui ont eu justement des enfants en bas âge, qui sont morts et qui patientent. Donc là on voit qu'il a patienté, il s'arja, wa hamidak, et il a bien sûr l'ihtisab. Donc il voit la récompense. Là on a fait un dalil parmi les dalils de la récompense. Si maintenant on avait quelqu'un d'entre nous qui aurait un enfant qui serait mort comme ça, donc voilà ce qu'on pourrait lui dire. Ça va bien sûr aider, ça va pousser la personne à quoi à patienter par rapport à cela. Voilà tout cela où ta'ziyat ahl al-mayyit bima yukhaffif anhum min masabihim. Et il est demandé, légiféré, donc de consoler la famille des morts par rapport à ce qui va bien sûr calmer, donc ça va justement alléger hein, leur malheur. On va les alléger dans leur malheur. Wayahmiluhum ala rida wa sabr. Et il va donc les pousser, hein, donc il va leur demander d'agréer ce qu'Allah a décidé et de patienter. Rida, dès qu'il y a un malheur, lorsque la personne agrée, hein, parce qu'il y a des gens qui vont agréer, ils vont être contents, mais même si c'est un enfant. Hein, donc comme le dit Cheikh Abdallah Al-Habeg dans son charh de Kitab Adab al-Mufrad, justement lorsqu'il arrive à un chapitre où le père, donc l'enfant, meurt en bas âge, il dit que normalement, on devrait presque même espérer cela. Parce qu'après cela, t'as quoi? T'auras justement, hein, donc c'est un sabeb, il va te faire entrer au paradis, si tu as patienté, il y a tellement de bienfaits derrière ça qu'il dit que c'est même un grand bien. Lorsque la personne s'adresse à cela, c'est un grand bien pour lui, si ça arrive à une personne, pour montrer. Nous on dit, on va dire, on veut pas que ça nous arrive. On va faire du hâte pour que ça nous arrive pas, tout de suite. Alors que la récompense, elle est énorme. Donc c'est une façon à Kulhel de pouvoir aider les gens à dire que c'est un bien pour vous, parce que c'est parce que ça, tout en sachant expliquer cela. Donc tu vois, le pousser à quoi agréer. Et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas meilleur que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense, bien sûr, elle est énorme parce que tu patientes. Bima sabata anhu sallallahu alayhi wa sallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa fa bima tadassara lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqqiqu al-arad. Donc, tu vas parler de cela. Donc tu vas pouvoir maintenant mentionner des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ce que tu connais, ou bien tu parles d'une parole qui va être générale mais qui ne va pas être en contradiction avec l'islam, donc d'une bonne parole, même si ce n'est pas des versets ou si ce n'est pas des hadiths, mais au moins tu vas pouvoir essayer au moins de l'aider par rapport à cela. On sait très bien que des bonnes paroles ça apaise, donc tu vas l'apaiser en mentionnant de bonnes paroles afin d'arriver à un but, afin d'arriver au but justement d'apaiser cette famille. Voilà yukhalifu shara. Et il ne sera pas, bien sûr, en contradiction avec la charia. Fa'an Usama ibn Zayd, قال, Kunna ida al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'arsalat ilayhi ihda banatihi, tad'uhu wa tukhbiruhu anna sababan laha, aw ibnan laha fil maut. Donc il dit Usama ibn Zayd, on était chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une de ses filles l'a appelé et le prévient que anna sabiyan, donc un de ses enfants ou un de ses fils, était donc dans la mort, c'est-à-dire donc l'arrière n'est plus mort, donc il était mort. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. Donc retourne vers elle et dis-lui, annonce-lui que à Allah ce qu'il a pris et à lui ce qu'il donne. Et toute chose a un terme bien déterminé, donc une vie, une durée qui sera bien déterminée. Et ordonne-la de patienter et d'espérer la récompense. Donc, des fois on va retrouver, les gens vont dire faltasbir, waltahtasib. C'est pas possible de dire ça en latin en arabe. On dit isbir wahtasib. Les gens ils vont reprendre par rapport à ce verset, parce que là le prophète parle par rapport à ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il parle de quelqu'un qui est absent. Donc, en ce moment-là, on peut parler comme cela. Mais si la personne est en face de toi, tu ne vas pas dire la même chose. Tu ne vas pas dire fal tasbir. Isbir, tu vas dire. Wahada min ahsan al-alfazi al-waridati fi ta'ziya. Donc, cette dua, c'est parmi les meilleures duas que l'on retrouve, qui sont mentionnées dans cette condoléance. Wayanbari inda al-aza tajannub ba'd al-umur allati intasharat bayna an-nas wa laysa laha aslun fi al-shar'i. Et il est demandé, donc lorsqu'on on va faire les condoléances lorsqu'on va voir celle de la famille du mort, d'éviter donc certaines choses qui sont répandues chez les gens et qui n'ont aucune origine dans la sharia. Parmi elles, awalan al-ijtima al-ta'ziyati fi makan khas yajlubu al-karasi wal-idra'ati wal-qurra. Donc le fait de se rassembler dans un endroit spécifié où on va amener, on va y mettre des chaises, de la lumière et des gens qui vont y réciter le Coran. Donc on voit ça dans certains pays arabes. Et ceux qui, on voit ça même en Arabie. Les gens, donc ça sera même des petites ruelles, elles vont être barrées, les lumières au-dessus, hein, parce que c'est peut-être pas éclairé spécialement, des chaises, en général c'est devenu des chaises rouges de velours, donc c'est toi du. Non mais toi tu reconnais. Si celui qui ne le sait pas au départ, il ne sait pas si c'est un mariage ou si c'est. Donc justement, donc si c'est un mort, tu ne sais pas quel doigt tu dois dire. Parce que tu n'as plus de différence. Il y a un grand repas, il y a tout cela, donc on ne sait plus faire la différence. Est-ce que c'est une fête ou pas? Deuxièmement, عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الوالدين للعزاء. Le fait que les gens de la famille donc font à manger, hein, donc ils vont préparer de la nourriture pour inviter, donc c'est devenu une invitation, hein, les gens qui vont venir justement faire leur condoléance. Donc ils montrent plus que bientôt les gens aussi vont choisir ce qu'ils veulent manger. Si on les laisse faire, ils vont choisir. Ah oui, alhamdoulilah, ta mère, j'ai remarqué qu'elle nous fait bien donc, les lasagnes. Bismillah, faites-nous des lasagnes. Moi, ce soir, je veux des lasagnes. Hein? Ah non, c'est trop chaud. Là, c'est... Donc, c'est devenu comme ça. C'est devenu. Le rarat, hein, il n'est plus là. Alors, ça, c'est pas demandé. Il y a un hadith de Jabal. Enfin, de Jabal, de Jabali. Il a un meyit. Ou à son état, tu as un de défini. Il y a un hadith qui est apporté par une majah et authentifié par Al-Bani. Donc il disait, cet illustre compagnon, on considérait le fait de se réunir chez la famille du mort, le fait de préparer de la nourriture, c'est-à-dire après, son, donc après qu'il a été enterré, on considérait cela parmi les niyaha. Les niyaha, donc c'est toutes les choses qui sont interdites, hein, toutes les choses qui sont interdites pendant, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mort. Donc comme le fait, on va voir ça, on va le voir après, qu'est-ce que niyaha. Donc regardez, le fait d'aller, alors on sait très bien que maintenant tous les gens du quartier viennent manger, hein, donc imaginez aussi si c'est un homme âgé qui est mort, sa femme elle passe donc, ses journées dans la cuisine. Voilà, elle passe ses journées dans la cuisine. Donc, non seulement il y a la fatigue pour elle, et il y a aussi, donc ça c'est l'argent qui est pris du compte peut-être du défunt, et c'est la part des héritiers qui va être mangée. Et ça c'est interdit. Parce que le jour dernier, si un héritier, s'il veut pas pardonner, il peut demander sa part, en plus de ça. S'il veut, il demande sa part. Vous voyez un petit peu dans quelle de toutes les règles religieuses qui ne sont pas même on n'y pense même pas. C'est des règles religieuses, mais vraiment on n'y pense même pas. Pourtant elles sont bien là. Troisièmement, tikrar ta'ziya, le fait d'y aller souvent. Donc tu répètes. C'est-à-dire tu vas aujourd'hui, tu vas demain, tu vas pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours. Tikrar. Le fait d'y aller souvent. Tu vas une fois, tu fais ta doha, et puis maintenant tu pars. Quand est-ce qu'il est permis de manger, c'est si Massaïen t'est arrivé à l'heure du manger. Et que c'est eux qui t'ont dit reste manger. Il y a une différence. Là, à ce moment-là, tu peux rester pour manger. Si Massaïen, ils sont venus, t'es arrivé, c'est l'origine, c'est l'heure de manger. Ou bien Massaïen, c'est ta famille, mais t'as voyagé 500 km. T'as voyagé très loin. Donc à ce moment-là, tu viens de loin. Donc c'est normal que tu auras faim à l'après-midi, là, tu peux manger. Mais on parle de celui qui prend sa voiture, il y en a pour 5 minutes, il va, il fait ta'ziya et puis il part. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, est sorti chez lui le jour où sa mère, Allah même sa mère, est morte. Il n'est pas resté, afin justement de ne pas recevoir ces gens et l'akhir. Afin que les gens ne viennent pas. Il n'est pas resté, il n'a bougé de chez lui. Il n'a pas voulu rester à sa maison pour pas justement avoir rejeté peut-être hein, d'une certaine façon les gens qu'il connaît bien. Mais فَبَعْدُ النَّاسِ يَذْهَبُوا إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ أَكْثَرْ مِنْ مَرَّةٍ وَيُعَزِّيهِمْ. Donc parmi les gens, il y a des gens qui vont voir les gens de cette famille plus d'une fois afin de donc de leur faire les condoléances. Wal aslu an takuna ta'ziya marratan wahida. Et à l'origine, les condoléances donc c'est une seule fois. Tu l'as une seule fois, c'est terminé. Walakin idha kana al-qasd min tikrariha at-tazkir wal amr bis-sabr wa ar-ridha bi qadarillahi wa qadarihi fala ba'sa. Et si le but de cela d'aller plus d'une fois, c'est de donc de les rappeler, de leur ordonner la patience. Le fait c'est d'agréer ce qu'Allah a décrété, le destin d'Allah, en ce moment il n'y a pas de problème. Enfin, à toi de voir, hein, selon la famille que tu as en face de toi. Est-ce que c'est des gens qui ont besoin de toi, tu les connais bien, ils ont besoin de toi, enfin, pour que tu les conseilles, pour que c'est cela, à ce moment-là, tu... à toi de voir comment ça se passe, quelles sont, des fois, tes relations avec eux. C'est des proches, tu les connais bien, quand tu vois, justement, ça allège leur souffrance, et tu vois que tu arrives à rappeler, à ce moment-là, tu peux. À ce moment-là, donc, tu peux, il n'y a pas de problème si tu y vas. وأما إن كان تكرارها من غير هذا القصد فلا ينبغي. Si tu y vas pour, alors que ce n'est pas le but, en ce moment-là, donc il n'est pas demandé, il n'est pas recommandé. لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Car ce n'a pas été mentionné par le prophète صلى الله عليه وسلم ni par ses compagnons. والسنة أن يعمل أقرب الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما. La sunna, c'est que les proches de la famille, de cette famille, du mort, ou ses voisins, donc les voisins de cette famille, vont faire de la nourriture, ils vont préparer de la nourriture pour, donc justement, la famille du mort. لقوله صلى الله عليه وسلم أسلعوا لأهل جعفر طعاما فقد أطاهم أمر يشغلهم. Préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture, car il leur est arrivé quelque chose qui les occupe. Donc il leur est arrivé un événement qui va les occuper. On est déjà suffisamment occupé maintenant à recevoir les gens, la fatigue, le ceci, le cela, surtout maintenant que les papiers à faire, ceci. Plus la nourriture en plus. Donc on se termine pas. Alors que justement, ça, le fait que les gens vont nous apporter la nourriture, ça va déjà t'alléger énormément. On sait que les cuisines, quand on y entre, on n'y ressort plus. Vous voyez bien la femme, elle est là-bas du matin jusqu'au soir. C'est tout juste si elle dort. Elle dort après toi, la mère en général, elle se réveille avant toi. Ça, là, quoi qu'il en soit. C'est la dernière à dormir, c'est la première à se lever. Donc, c'est un hadith apporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, wa Hassanahu al-Albani, rahmatullah alayhim. Wa amal buka, wa al-hazan al-mayit, fala ba'sabihi, wa yahsulu fil ghalib. Le fait, bien sûr, donc, de pleurer et de s'attrister, donc, pour le mort. Il n'y a pas de problème dessus, car c'est ce qui arrive en général. Donc, car bien sûr, on est créé comme cela. Donc, c'est notre nature saine. C'est notre nature. Donc, à ce moment-là, il est normal de pleurer. Sans bien sûr exagérer. Faqad baka an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala ibnihi Ibrahim hina mat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes pleuré sur son fils Ibrahim lorsqu'il est mort. Wa qala innal ayn tadma' wal qalb yahzun wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa la ma yarda ma yurdi rabbuna illa ma yurdi rabbuna. C'est ce qui est rapporté par al-Bukhari. Donc certes, l'œil pleure et le cœur s'attriste et nous ne disons que ce qui agrée notre Seigneur. Walakin la yakun dhalika ala wajhi at-tasakhkhut wal jazaa' wa tashakki. Donc ce pleur ne doit pas être, c'est-à-dire par le fait de s'énerver, hein, ou le fait de se plaindre, il n'y aura pas de plainte. Donc on ne le fait pas par le fait justement d'être mécontent. Oh Allah, tu m'as pris mon fils, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'as pris mon fils? Comme certaines mères disent, ou il a fait, comme on peut entendre chez les gens qui n'ont pas de science. Donc ils vont parler comme ça. Donc ils vont dire malheur, tout ce que malédiction, tout cela. والنياحة والضرب الخدود والشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من نتم الخدود والشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. حديث aussi rapporté par al-Bukhari Muslim. Donc il est interdit, donc là, justement de pleurer, c'est-à-dire énormément, de se griffer, de s'arracher. Là on va voir. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ne fait pas partie des nôtres celui, hein, donc qui va se griffer, hein, donc celui qui va arracher. Donc le djoub, le djeb, ça c'est un djeb. Donc le col, là où tu entres ta tête, ce trou là, ce col là, hein, donc ça on appelle ça le djeb, c'est un djeb. Donc il s'arrache, hein, les cols, enfin, il s'arrache la vie et invoque des invocations de l'djahriya par le wail, le khizzi, tout ça. Donc par plusieurs noms, le fait de malheur, avilissement, tout cela. Kekolihi, ya wailah, ya thubura, wa ma ashbahu zaka. وما أشبهه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ولدع من جرب. Donc le hadith rapporté par l'imam Muslim ou al-Jarab, c'est marad ma'ruf wa huwa bushur ta'lu al-jald wa yakun ma'aha hitka. Donc celle qui pleure, al-na'iha, et on voit bien que là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-na'iha, parce que de façon générale c'est les femmes, donc ça peut arriver très bien à un homme. Hein. Si elle ne fait pas taouba, si elle ne se repentit pas avant la mort, donc elle se lèvera le jour dernier et elle aura donc serbal en arabe. Serbal, qui connaît le nom serbal en français? Donc il aura nam, voilà, donc il aura du goudron, donc min ketran. Un ketran, c'est connu, on dit ketran. Et aussi, il aura, bien sûr, donc il aura cela dans sa peau. Et aussi, donc, il aura aussi, donc, comme une sorte de bouclier, de quoi? Donc, on va dire, d'une maladie qui est connue, qui est, en fin de compte, quelque chose comme, c'est un peu comme de l'eczéma. Quelque chose qui sera, hein, donc, sur ta peau. Genre, c'est comme une sorte d'eczéma, mais aussi grand qu'un bouclier. Aussi grand qu'un bouclier. Donc, tirba, c'est le goudron. Taïb. Marakallahu fikoum. Hadith rapporté par les mêmes musulmans. Et là, on sait que. C'est le serbal, c'est le goudron. C'est quoi serbal? C'est habit de goudron. Ouais, c'est un habit de goudron. Le katera, c'est le goudron. D'accord. D'accord. C'est pas le serbal, le goudron, alors? Non. D'accord. Et là, il y a un sujet, c'est que donc celui qui, si la personne meurt et qu'elle n'a pas demandé à sa famille de pleurer sur lui et tout, mais si sa famille fait ça, lui à ce moment-là, il ne sera pas compté. Mais si il demande qu'il pleure à ce moment-là, bien sûr, il sera jugé par rapport à cela, celui qui le demande. Si tu peux te demander à ta famille de pleurer sur toi, à ce moment-là, bien sûr, même le mort va justement donc subir de ces œuvres de ces familles-là. Donc on a fini pour ce qui est Ahkam al-Janaza. On a fini pour ce qui est de Ahkam al-Janaza. Donc on va commencer donc un autre chapitre qui est El Haid wa Nifas. Donc El Haid wa Nifas. Sujet numéro 10. Donc ça c'est sujet numéro 10 vis-à-vis, c'est-à-dire de Kitab al-Tahara. Le Haid dans la langue arabe c'est Seylan, l'écoulement. Le Haid dans la langue arabe c'est l'écoulement, Seylan. Donc l'écoulement, la pluie de sang. Wa shar'an damu tabi'atin wa jibilla. Donc c'est un sang qui est naturel et qui va bien sûr sortir automatiquement, obligatoirement. Wa yakhruju min qahri ar-rahim fi awqat ma'louma. Et bien sûr, donc il va sortir donc du rahim, donc de la femme, à des moments bien précis, à des moments connus. Hal sihhatil mar'a, lorsque la femme est en bonne santé. Min ghayri sababil, voilà yani. Min ghayri sabab wilada. Donc bien sûr, même s'il n'y aurait pas eu d'enfant ou quoi que ce soit, c'est-à-dire même si ce n'est pas par rapport à une grossesse ou après la grossesse. Donc ça c'est les menstrues. Wa nifas damun yakhruju min al-mar'ati 'inda al-wilada. Un sang qui va sortir donc de la femme, c'est-à-dire bien sûr donc partir donc un de l'ulada après l'accouchement. Donc dès que la femme va accoucher, après elle sera en état de nifes. Le mas'al al-oula bidayatu waqt al-hayd wa nihayatu. Le début des moments des menstrues et sa fin. La hayda qabla tamam at-tis'a sinin. Hein? Donc il n'y a pas de règle tant que l'enfant n'arrive pas à partir à 9 ans. Donc l'enfant n'a pas atteint l'âge de 9 ans. Donc avant ce l'âge de 9 ans, ce n'est pas considéré comme des règles. Les annahu la yathbut fil wujud li imra'atin haydin hayyada qabla dhalik ou la hayd qabla dhalik. Car il n'y a pas aucune preuve qu'une femme a déjà eu ses menstrues avant cela. Wa qad rawa niruya an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat idha balagat al-jariya 9 sinin fa hiya imra'atun. Idha balagat al-jariya 9 sinin fa hiya imra'atun. Aïcha rapporte que la fille, lorsqu'elle atteint l'âge de 9 ans, elle devient une femme. Donc Tirmidhi l'a rapporté, Walbay Akrif Sunan al-Kubra, sans isned. Sujet numéro 2, Akal Mudda al-Hayd wa Akfara. Al-Sahih, sujet numéro 2, non, le temps le plus court, ainsi que le temps le plus long des règles. Ou des monstrues. Al-Sahih, donc en réalité, Annahu la hadda li aqallihi wa la li akfarihi. En réalité, il n'y a pas donc, de temps minimum ou de temps maximum. Il n'y a pas de durée minimum ni de durée maximum. وإنما يرجع فيه إلى عادة والعرف إلى العادة والعرف. Donc en vérité, on revient dans cela à l'habitude ou à la coutume, c'est-à-dire de la personne. Donc la personne, elle sait, elle connaît. Donc on revient par rapport à ce qu'on connaît habituellement. المثل الثالث غالب الحيد. De façon générale, c'est-à-dire que le temps écoulé dans les menstrues, le temps général. De façon générale, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est quoi en général les jours que l'on connaît? Wa ghalibuhu sittu aw sab'a. De façon générale, c'est 6 ou 7 jours, à peu près. À peu près. C'est ce qui est le plus connu. C'est ce qui est le plus connu. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, li Hanna bint Jahsh, lui dit, tahayyadi fi ilmillahi sittat ayyam, aw sab'a. ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيد النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهورهن. صحيح كابوتي بار أبو داود الترمذي إلى حسن صحيح وحسنه الألباني. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à cette femme, donc tu auras tes menstrues donc dans bien sûr fi'l millah, dans bien sûr la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, 6 jours ou 7, puis lave-toi et pris 23 ou 24 jours. Le fait que le mois, c'est bien sûr 29 ou 30 jours, lorsqu'on compte bien sûr par les mois lunaires. Donc 24 ou 23 jours. Comme les femmes ont leur menstrue, et elles ont aussi après leur menstrue, donc elles se purifient, elles deviennent pures, donc au moment que leur haid est terminé, ou lorsque bien sûr leur pureté vient. Donc pureté vient. Donc là on voit qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnant les jours, mentionnant que c'est 6 ou 7 jours, de façon générale. Parce qu'il a dit aussi Kama yahidun nisa, comme les femmes ont leur menstrue. Sujet numéro 4, ma yahrumu bil haid wa nifas. Qu'est-ce qu'il est interdit pour les femmes qui ont leur menstrue et les lochis? Yahrumu bil salab bil haid wa nifas umurun. Al-waqtu fil farj. Donc il est interdit, il y a des choses qui sont interdites en ce moment-là. Donc c'est bien sûr l'accouplement. Donc le fait qu'il y ait donc accouplement, le fait qu'il y ait pénétration. Il dit qu'Allah Ta'ala wa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit donc écartez-vous donc de vos femmes pendant leur menstrue et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Mais c'est pas rien comme on dit s'éloigner totalement. Et à ce moment-là, il n'y aura pas le jima. Il n'y aura pas le jima. Il peut très bien avoir. Donc, ils peuvent très bien dormir ensemble, mais sans qu'ils fassent le jima. Tout simplement, il n'y aura pas le jima. Il peut avoir autre chose que ce que le jima par rapport à cela. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hina nazala sini, isna'u, yani kulla shay'in illa an-nikah. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, faites tout sauf l'accouplement. Donc, faites tout sauf l'accouplement. C'est un hadith rapporté par les mêmes muslims. Deuxièmement, at-talaq, le divorce. Li qawlihi ta'ala, طلقهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Donc, divorcez-les dans leur période, c'est-à-dire de validité, dans leur période. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما تلقى ابنه عبد الله بن عمر امرأته في الحيض نمره فيرجعها. Il est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Omar, lorsque son fils Abdullah ibn Omar a divorcé son épouse, il lui a dit ordonne-le de la reprendre. Parce qu'il a divorcé au moment des règles. Abdullah ibn Omar a divorcé son épouse pendant les règles. Le prophète, bien sûr, donc on voit qu'il ne connaissait pas le statut juridique de cela. Et le prophète donc, a montré le statut juridique de cela. Troisièmement, as-salat, la prière. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, li Fatima bint Abi Hubaysh, bint Abi Hubaysh, idha aqbalat al-hayda, fadda'i as-salat. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, à Fatima, la fille de Abi Hubaysh, lorsque tes menstrues viennent, lorsque le moment de menstrues vient, délaisse la prière. Quatrièmement, un somme, le jeûne. لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحدكن إذا حادت لم تصم ولم تصلي قلنا بلى حديث rapporté par البخاري. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, n'est-ce pas que l'une d'entre vous, lorsqu'elle est menstruée, donc elle ne jeûne pas ni ne prie, elles ont dit oh que oui. Cinquièmement, le tawaf. Le tawaf. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تتوفي بالبيت حتى تطهري. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم à Aïcha, fais tout ce que le hajj, donc celui qui fait le hajj, fait, sauf que tu ne vas pas tourner autour de la tombe, tu ne vas pas tourner autour de la Kaaba, autour de la maison, jusqu'à ce que tu te sois, jusqu'à ce que tu te purifies. Hadith rapporté, c'est par le Bukhari Muslim. Sixièmement, qira'atul Qur'an. Wa huwa qawl kathir min ahli al-'ilm min as-sahabati wa at-tabi'in. Donc la récitation du Coran, et ça c'est la parole de beaucoup de savants, parmi eux les compagnons, parmi les tabi'in. Wa man ba'dahum. Et aussi wa man ba'dahum, même ceux qui viennent après lui. Walakin idha ihtajat ila al-qira'a, si elle a besoin de la lecture, ka'anna tahtaj ila muraja'at mahfoudha hatta la yunsa. Si elle veut donc réviser, à ce moment-là elle veut réviser afin de ne pas oublier, ou ta'lim al-banat fil madaris, ou le fait que c'est une prof du Coran, donc elle enseigne aux filles dans les écoles, ou qira'a walidaha jaza laha zalika wa in lam tahtaj fala taqra kama qala bihi ba'd al-'ilm ba'd ahli al-'ilm. Donc on retrouve cela dans Sharh al-Mumti'a. Donc on a vu, si elle a besoin de lire, donc à ce moment-là, il lui est permis, lorsqu'elle a besoin de cette lecture. Si elle a besoin de lire cette lecture, comme le disent certains savants. Septièmement, mas al-mushaf. Diqawlihi ta'ala, la yamassuhu ila al-mutahharun. Donc, le fait de toucher le mushaf, ce livre, le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne le touche que ceux qui sont purs. Huitièmement, dukhul al-masjid wa al-labthihi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد للجنوب ولا حائض. استحديث كما بقتي نقص التيمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها. استحديث كما بقتي أبو داود authentifié par ابن خزيمة وحسنه ابن القطان. نرتوس على نعم الأوطان. Donc il dit, donc je ne permets pas la mosquée pour celui qui est en état de janaba, et ni pour celle qui a ses menstrues. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapproché sa tête de Aïcha, Wahia, et Hujratiha. Et elle restait dans sa maison. Donc on sait que la maison d'Aïcha, dès qu'elle sortait, elle rentrait dans la mosquée. C'était directement le masjid, c'est-à-dire sa pièce. Faturat jiruhu Wahia Ha'id. Et donc elle le peignait alors qu'elle était elle en état de menstrue, mais elle n'était pas sortie de sa pièce. Alors qu'il était bien sûr près de la mosquée. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc si elle a peur justement, ou talwethahu. Donc il lui est interdit de traverser la mosquée si elle a peur de salir la mosquée. Maintenant, il est possible que du sang va donc s'écouler. À l'époque, donc ils n'avaient pas les protections comme celles de maintenant. Donc c'est peut-être plus difficile. À partir du moment qu'elle a peur, ça ne traversait pas la mosquée si elle ne voulait pas salir à elle, donc les tapis, la mosquée. Wa'in amanat tel sahou yani lam yahrum. Et si elle n'a pas peur de cela, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction. Cinquième sujet, ma yujibu al-haid. Donc qu'est-ce qui est obligatoire à faire après elle? Donc qu'est-ce que le haid rend obligatoire? Yujibu al-rusul. Le haid, si la personne a ses menstrues, il sera obligatoire, bien sûr, de faire le rusul après cela. Et قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il dit صلى الله عليه وسلم, délaisse la prière le moment, c'est-à-dire pendant tout le monde, pendant la période où tu as tes règles, puis fais donc ta grande, c'est-à-dire lave-toi, donc la douche, donc fais ta grande ablution, et puis prie. Deuxièmement, elle boulour. Elle boulour. c'est-à-dire le boulot, c'est-à-dire le fait d'avoir, d'atteindre l'âge de la maturité. Et quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, la yakbaru Allah salat ha'id illa bi khimar. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous a fait rapporté par Bouddha ou Talmidi ou Hassanahu ou Ibn Majah et authentifié par l'Albani, Allah n'accepte pas la prière donc de celui qui, de la seule qui est en état de celle qui a atteint la maturité, ou bien je veux dire, l'âge de la puberté plutôt, l'âge de la puberté, sauf avec donc un khimar, le fait de se couvrir. Faqad awjaba 'alayha as-sutra, yani n'am sutra ou la sitra plutôt, n'am li husul al-hayd, fadalla 'ala an at-taklifa hasala bihi wa innama yahsul dhalika bil bulugh, car il est obligatoire qu'elle se cache parce que justement elle a eu le hayd. À partir du moment que la femme a ses menstrues, une jeune fille, si elle a ses menstrues, en ce moment-là, elle devient une femme. Elle est considérée donc comme une petite femme, une jeune femme. Et donc, ça y est, c'est l'âge où elle doit commencer à justement se recouvrir comme si c'était donc, comme une madame. Non. Donc, on voit qu'il y a un taklif. Il lui est demandé cela. Il y a un taklif à ce moment-là, elle lui est demandé cela. Et ça, c'est que après le boulour. Et le boulour, donc, il vient ou par. Soit pour la femme ou l'homme, donc la femme, on va dire les menstrues, l'homme, rouge une manie, donc le fait de la sortie du spermatozoïde, ou bien le poil hein, qui devient dur, donc autour du sexe, donc le poil qui devient dur, ou s'il n'y a pas cela, c'est 15 ans. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, ni l'un est venu, ni l'autre n'est venu, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est l'âge, c'est 15 ans, 15 ans révolu. Donc c'est 15 ans dès que la personne attrape l'âge là, c'est dans l'âge de 15 ans. Troisièmement, l'i'tidad au bihi. فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيد لمن كانت تحيد لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني ثلاثة الحيد. Donc, avec cela, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer quand est-ce que la femme sera, c'est-à-dire totalement divorcée. Lorsque totalement divorcée. Par rapport, donc c'est une. On peut dire ça comme ça, une unité de mesure, afin de pouvoir plutôt savoir, ou bien un temps déterminé pour savoir quand est-ce que la femme sera, c'est-à-dire totalement divorcée. Et l'aïda sera terminée que pour donc celle qui sera divorcée, que par rapport au compte des haïd. Donc, les femmes, donc justement, elles seront divorcées, elles doivent compter, c'est-à-dire trois kourous, trois haïd. Donc, trois menstrues. Donc, lorsque la personne divorce sa femme, il doit divorcer hein, en état de pureté. Et s'il veut la divorcer une deuxième fois, il peut attendre maintenant qu'elle ait eu ses menstrues, qu'elle la divorce encore une deuxième fois. Et puis, la troisième fois. Hein, et après, à ce moment-là, c'est-à-dire une fois qu'elle a eu trois menstrues, grâce à ce moment-là, après trois menstrues, c'est plus son épouse. C'est plus son épouse. Et s'il la divorce une fois, c'est la même chose. Ça sera plus son épouse, mais simplement, il peut la reprendre, s'il le fait une fois ou deux fois. C'est pour ça qu'Allah demande. Hein, de divorcer deux fois. Ou imsak bil ma'ruf, ou bien tu la gardes, donc en toute bonté, ou tu la divorces bi ihsan, tu la divorces, c'est-à-dire dans, aussi toujours la même chose en toute bonté. Donc bil ma'ruf, tu vas la garder en étant bien avec elle, ou tu vas la divorcer, tout en étant bien aussi. Et Allah dit deux fois, il n'a pas dit trois fois. Toujours pour laisser toujours la porte ouverte au retour. Parce que des fois, c'est 6 mois ou 1 an après que tu regrettes. Mais ça déjà arrivé. Donc ça arrive souvent. Que si la personne divorce 3 fois, après elle le regrette. C'est pour ça que. La porte, il faut la laisser ouverte. Si ça doit arriver, il faut laisser la porte ouverte afin de pouvoir reprendre. El hukmu bi bara'ati ar-rahim yani fi al-i'tidal bil hayd. Donc bien sûr, c'est-à-dire que la femme, hein, donc justement, on sait que ma femme, comment dire, la femme, elle a justement, donc là, c'est menstruée, c'est vrai qu'ils sont en vérité. Régler, donc il y a quand même elle n'a pas justement cette maladie par rapport à cela. Il y a un tembé ici, donc là on va faire attention. Il a taharat al-ha'id al nufasa qabla ghurub al-shams. Si maintenant la femme devient, donc A devient en état de pureté, que ce soit celle qui a les menstrues ou les douches, avant que le soleil se lève, avant que le soleil se couche, avant ghurub al-shams, donc que le soleil se couche. Lazimaha intusal al-dhuhra wa al-asra. Il lui est demandé donc de prier le Dhuhr et l'Asr de ce jour-là. ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. Ici, c'est pendant la nuit, donc avant le Fajr, il lui a demandé de prier le Maghrib al-Isha de cette nuit. لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر. Car l'heure de la prière, donc l'heure de la deuxième prière, c'est l'heure de la première prière au moment de lorsqu'il y a une excuse, lorsqu'il y a une excuse, donc un عذر. وبه قال الجمهور. Donc c'est la majorité qui dit cela, donc l'imam Malik, Shafi'i et l'imam Ahmed. Vous voyez ça dans le Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Fawzan. Le mas'ala al-Sadisa. أقل النفاس أقل النفاس وأكثره أقل النفاس وأقل النفاس وأكثره. Donc la hadda لأقل النفاس. Donc c'est-à-dire la durée minimum et maximum par rapport au nifas. Le nifas c'est après l'accouchement. Il n'y a pas de durée minimum ni de durée maximum. لأنه لم يرد فيه تحديد. Car il n'y a pas par rapport à cela en vérité de moment donc défini. فرجع فيه إلى الوجود. فرجع فيه إلى الوجود. Donc tu reviens à ce que tu vois, le sang. Le wujud, c'est ce que tu vois par rapport au sang. وقد وجد قليلا أو كثيرا. Même s'il a peu ou beaucoup de sang. وأكثره 40 يوما. Et donc, le plus, c'est 40 jours. Donc il n'y a pas de minimum plutôt. Tout à l'heure, j'ai dit ni minimum ni maximum. Il n'y a pas de minimum. Mais la durée maximum, c'est 40 jours. قالت الترمذي. Donc dans le midi, أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفاس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك. Donc il y a consensus chez les gens de science parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et ceux qui viennent après que la femme qui a ses louchis délaisse la prière 40 jours si tant qu'elle ne voit pas de pureté avant cela. Si elle est en état de pureté au bout de 30 jours, donc elle doit prier. Si elle est en état de pureté au bout de 12 jours, elle doit prier, ou 27 jours. Mouhim, elle ne va pas se dire que je dois attendre 40 jours pour prier comme certains le font. Ce n'est pas 40 jours obligatoires. C'est 40 jours le maximum, mais ce n'est pas le 40 jours obligatoire. Fatartasil, wa tusalli. Donc elle va se laver, faire sa grande ablution, puis elle va prier. Les hadiths et Salama, donc c'est un hadith rapporté par Salama, radhiallahu anha. كانت النفاسة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما حيث رابورتي بار أبو داود الترمذي ابن ماجه يدي الألباني يعني موقوف ضعيف donc النفاسة à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم donc elle restait comme ça 40 jours elle restait 40 jours mais c'est موقوف ضعيف. المسألة السابعة sujet numéro 7 lorsqu'on dit موقوف ça fait pas مرفوع qui n'arrive pas au prophète, qui s'arrête à un compagnon, mais ça c'est faible. Donc le sujet numéro 7, c'est Fiddam al-Mustahada, donc le sang qui continue après le Haid, le sang qui continue après. Dam fa, c'est le sang qui continue. Al-Istihada, c'est l'un dam fi riwaqtihi ala sabil al-Nazif. Donc c'est du sang qui s'écoule, et qui n'est pas, donc le sang qui s'écoule en plus, qui n'est pas pendant la période des menstrues, et qui est considéré comme un écoulement, donc c'est nazif. Yani min ariqin yusamma al-azil, qu'on l'appelle en arabe al-azil. Wa dam al-istihada yukhalifu dam al-hayd fi ahkamihi wa fi sifatihi. Le sang donc de l'istihada qui va être différent des sangs des menstrues, non seulement dans ses statuts, dans ses règles religieuses, mais ainsi que ses caractéristiques. Wa huwa ariqun yani yanfajiru fi ar-rahim. Donc c'est des veines ou bien des vaisseaux qui explosent donc dans le vagin ou bien le sexe de la femme. Ça va ou kana fi awqat al-hayd aw ghayriha, que ce soit pendant les moments des règles ou dans les autres moments, que ce soit dans la durée ou la période des règles ou dans notre période. Wa huwa la yamna'u as-salat wa as-siyam wa al-watr. Donc ce sang là ne va pas interdire ni la prière ni le jeûne ni l'accouplement. Li annaha fi hukm at-tahirat, car la femme est considérée comme pure, elle fait partie des femmes qui sont pures. ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر فأضع الصلاة قال لا فإن ذلك عرق وليس بحيض. Donc Fatima dit bon envoyé d'Allah, certes j'ai l'istihada, donc ce sang qui coule, et je ne suis pas en état de pureté. Est-ce que je dresse la prière? Elle dit non, car cela donc c'est des vaisseaux et ce n'est pas le haïd. فإذا أقبلت الحيضة فضع الصلاة. si le haïda vient, donc si les menstrues viennent, délaisse la prière. Fa'ida adbarat farsili an kiddam wa salli. Et si elle part, donc lave-toi, lave ce son qui est là, et prie. Donc il suffit de, à chaque prière pour la femme, de quoi ? De se laver. Donc elle va laver ses parties intimes, elle va faire ses ablutions et elle va saler, tout simplement. Mais c'est, donc ça annule l'ablution sans annuler la prière. Sans annuler, je veux dire, sans annuler la prière, c'est-à-dire totalement dans le fait qu'elle ne doit pas prier. فيجب عليها أن تغسل عند نهاية حيضها يعني حيضتها المعتبرة وعند الاستحاضة تغسل فرجها. Donc il lui est obligatoire donc au moment de cela donc de se laver, faire le roussoul, et lorsque c'est l'istihada, elle doit tout simplement donc laver sa partie intime. وتجعل في المخرج قطنا ونحوي يمنع الخارج يمنع الخارج. Donc elle va mettre donc dans son orifice elle va faire donc le hein, c'est le ce qui va justement empêcher ce sang de ressortir comme cela. Et elle va s'arranger afin que, bien sûr, rien ne ressorte. Hein. Donc il est permis après donc, de mettre justement donc, ces protections à ce moment-là. Et puis elle fera ses ablutions dès que l'heure de la prière est entrée, dès que c'est l'heure de la prière. Al-Mustahada laha thalath halat. Donc Mustahada, on va la retrouver chez elle dans trois situations. On va la retrouver chez elle sur trois situations. Al-Hala al-Ula, an takun laha aadatun ma'rufa. Premièrement, c'est que ces menstrues sont connues. C'est-à-dire la période, la durée de ces menstrues, c'est donc quelque chose qui est habituel, hein, qui est connu. بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة. C'est que bien sûr elle sait, donc elle a une période qui est connue avant que l'istihada vienne. Si elle sait 5 jours, elle sait que ce qui va dépasser 5 jours, elle est entrée dans l'istihada, c'est plus حيض. فهذه تجلس قدر عادتها. Donc elle va s'asseoir dans le sens d'agir, c'est-à-dire qu'elle ne va pas prier quoi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prier le moment de ses عادة, c'est-à-dire de ses règles. وتضع الصلاة والصيام. Ni elle va prier, ni elle va jeûner. وتعد حائضا. Et elle est considérée comme en étant de menstrue. فإذا انتهت إن عادتها اغتسلت وصلت وعدت دم الخارج دم الاستحاضة. وعدت دم الخارج دم الاستحاضة. Donc si elle s'arrête, c'est-à-dire si ses menstrues sont terminées, elle va faire sa grande douche, elle va prier, et le sang qui va ressortir après cela, il est considéré comme dam istihada. Parce qu'elle, elle a une période connue, 5, 6, 7 jours, 4 jours, ça dépend des personnes. لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Umm Habiba, dans un hadith qui est rapporté par un muslim, Umm Kufi, qadala ma kunti, tahbisuki haydatuki, summa ihtasali wa salli. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc demeure, ou bien stoppe-toi, arrête-toi, hein, le moment, hein, c'est-à-dire la période où te stoppe, donc tes menstrues. Puis fais la grande ablution et prie. Deuxième situation, al-hala al-thaniya. إذا لم تكن لها عادة معروفة. Si elle n'a pas, comme l'ont aussi dit pour certaines sœurs ou bien certaines femmes, donc des périodes hein, qui sont connues. Ça change. Ça se fait que ce mois-ci c'est 3 jours, ça se fait que le mois prochain c'est 8 jours, et c'est jamais à la même date. Là. C'est pas précis. Donc c'est à chaque fois, donc c'est déréglé. C'est pas vraiment. Donc c'est déréglé vis-à-vis de cette femme. ولكن دمها متميز لبعض يحمل صفة الحيض. Et simplement, donc on voit que son sang est différent, donc on peut reconnaître à quoi est le sang du Haïd. Donc ce qu'on verra justement, une différence. بأن يكون أسود أو سخين أو له رائحة. Donc, il sera noir, lourd, hein, donc il sera noir et noir épais et il a une odeur. والباقي يحمل صفات الاستحاضة. Donc si c'est pas noir, si c'est pas épais, s'il n'y a pas d'odeur, en ce moment-là, le sang, c'est pas le sang des menstrues, c'est le sang qui est quoi ? Istihada. Si maintenant, elle veut faire la différence parce qu'elle n'a pas des jours qui sont connus. Dam ahmar, laysa lahu ra'iha. Un sang rouge sans odeur. Donc voici le sang d'istihada, et c'est pas le sang des menstrues. Fa fi hadhi al-hala taruddu ila al-amal bitanyiz. Dans ce cas, elle doit revenir à la différenciation. Elle va différencier les choses. À elle de faire la part des choses. لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كان الدم الحيض فإنه أسود يعرف. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Fatima, la fille de Abu Hubeish, si c'est le sang des menstrues, il sera noir et il est connu. Fa amsiki an salat. Donc, il délaisse la prière. Fa ida kan al akh yani akhad fa tawaddai. Si c'est l'autre sang, si c'est pas un sang qui est comme ça, donc prie. Wa salli fa inna ma huwa arqun. Donc, fais tes ablutions et prie, car cela, bien sûr, c'est les vaisseaux donc, qui ont claqué. Ce sont les vaisseaux qui ont claqué. Hadith rapporté par Abu Daoud, authentifié par Ibn Hibban et Hakim, et authentifié par Al-Albani, rahmatullah alayhi. Al-Hala, al-Thalitha, troisième cas, troisième et dernier cas, إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره. Si elle n'a pas donc de règles qui sont connues, l'ada, donc on voit déjà l'ada, c'est l'habitude, donc c'est ce qui revient à chaque fois, donc, hein, ni elle n'a ni l'un ni l'autre, ni elle sait faire la différence, ni par rapport au temps, et ni par rapport au sang. Elle n'arrive pas. Donc il n'y a pas de témise. Elle ne sait pas différencier. فَهَذَا تَجْلِسُ غَالِبُ الْحَيْضِ سِتًا أَوْ سَبْعًا. En ce moment, elle va s'arrêter de prier 6 ou 7 jours. Par rapport au hadith du début qu'on a vu, du hadith du prophète, certain qui a dit de façon générale, c'est 6 ou 7 jours. Car c'est de façon, c'est la majorité des femmes qui ne prient pas 6 ou 7 jours. Donc elle va s'arrêter selon la majorité des gens. Elle va revenir à la majorité des gens. Après ces 6 ou 7 jours, il sera considéré comme dam istihada, donc un sang qui s'écoule mais qui n'est pas le sang d'une monstrue. Elle doit juste le laver, fait mal tout salé, et puis elle prie. Wa tasum, et elle jeûne, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, les hamnan bit jahsh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc à hamna, la fille de jahsh, inna ma hiya raqdatun min shaytan. Donc ceci est une raqda, un coup, donc c'est un coup, hein, de shaytan. Donc, considère-toi en état de menstru 6 ou 7 jours, hein, et puis fais ta grande ablution. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Hassan Sahih ou Hassan al-Albani. Donc, il dit après le prophète, donc si tu deviens pur, tu deviens propre, prie et jeûne, car cela t'est permis. Donc, si la femme, elle ne sait pas, elle a des problèmes vis-à-vis donc, du moment, du temps, elle n'est pas réglée comme il le faut, et aussi elle ne sait pas faire la différence, donc on n'arrive pas à différencier, c'est toujours le même sang qui coule, donc on ne voit pas de deux types de sang différents, donc elle va faire, comme il a dit le prophète, 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. Elle a, donc à ce moment-là, elle a le choix, 6 ou 7, c'est elle qui va choisir 6 ou 7 jours. Car cela lui est permis. Donc après 6 jours, le 7e, c'est le permis. Comme le 8e aussi, il est permis. Juste après, ils l'ont écrit. Donc là, dame le shaitan, c'est donc d'être un coup. Car c'est le shaitan qui bouge, hein, qui vient faire justement donc, circuler, qui vient faire justement couler ce sang. Subhanallah. Donc on a terminé pour ce qui est donc, de façon générale sur les menstrues. Barakallahu fikum, subhanallahu bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.